Mireille Kanyang. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition du 20 décembre. En voici les grandes articulations. Une grenade a été lancée hier soir en commune Kirundo, faisant 4 morts. La sorcellerie serait à la base de ces tueries, avance l'administrateur de la commune Kirundo. Pénurie de carburant en province Bubanza. Les chauffeurs ont revu à la hausse le prix du ticket de transport. Vous l'entendrez dans cette édition. Dans ce journal également, nous vous parlerons du climat qui règne en République démocratique du Congo à J-3 des présidentielles du 23 décembre. Une conférence de presse est prévue cet après-midi par la CENI. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par Elie Kadog. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Rebonjour, parlons société pour débuter ce journal. Les jeunes sont appelés à créer leur propre emploi pour faire face au chômage. Selon le directeur de l'organisation Burundi Business Incubator, qui appuie les jeunes entrepreneurs, que ce soit au Burundi ou ailleurs, le marché du travail est déséquilibré. Et le directeur du BBN, Pierre Clavé Ndoumami, indique que l'essentiel est d'avoir son plan et par après se chercher un moyen de financement. Sinon, pour lui, bien que l'État soit le meilleur employeur, il ne peut pas satisfaire à toutes les demandes. Suivez. Oui, le constat est sans appel. Le taux de chômage est très élevé, mais c'est le résultat d'un marché du travail qui est déséquilibré. Ça veut dire que l'offre de travail est largement supérieure à la demande du travail. La demande du travail étant exprimée par les employeurs, et l'offre du travail étant exprimée par les personnes, les diplômés ou pas, qui ont envie d'un emploi, mais qui offrent leur travail physique ou intellectuel. Donc, l'offre de travail étant largement supérieure à la demande de travail, eh bien, le résultat, c'est un taux de chômage très élevé, ici comme ailleurs. Ce n'est pas un phénomène particulier au Burundi. Beaucoup d'autres pays sont frappés par un taux de chômage assez élevé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation? Soit il faut créer beaucoup d'entreprises, il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y ait des entreprises étrangères ou nationales qui s'établissent au Burundi, parce que le gouvernement, par nature, n'est pas... Oui, c'est un grand employeur, mais il ne devrait pas être le seul employeur dans un pays. Il ne peut demander du travail que pour ses propres besoins de sécurité, de santé, d'éducation. Pour le cas du Burundi, nous ne voyons pas d'ONG, comme vous l'avez dit, ou d'entreprises internationales et multinationales qui viennent s'installer au Burundi. C'est peut-être pour des raisons diverses. Maintenant, c'est la situation est telle qu'effectivement, les jeunes qui terminent leurs universités ou écoles techniques ou professionnelles, ben, on ne trouve pas d'emploi sur le marché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on n'a pas d'emploi, eh bien, il faut le créer vous-même. Il y a moyen. Et il y a plusieurs manières de faire pour créer son propre emploi. Et nous sommes là, le BBN, c'est sa mission, pour vous appuyer, pour appuyer les jeunes, évidemment avec des partenaires, pour appuyer les jeunes à réfléchir sur comment créer son emploi. Et il y a plusieurs manières de faire. Poursuivons ce journal en province Mwaro, où certains défis de collaboration se remarquent entre certaines organisations de la société civile et l'administration de la province Mwaro. Entre autres défis, les membres de ces associations signalent le fait que certains administratifs n'ont pas encore compris leur place dans le développement communautaire. Ce mercredi, en cadre provincial de concertation entre ces organisations et l'administration a été mis en place au niveau de l'administration provinciale. On signale que de telles associations ont un grand rôle à jouer dans le développement du pays. Les précisions de Laurent Dikourio. Parmi ces associations de la société civile œuvrant en province Mwaro, certaines travaillent dans le domaine social et d'autres travaillent dans le domaine économique comme l'agriculture et l'élevage. Parmi les défis soulevés, il y a le fait que certains administratifs n'ont pas encore compris leur contribution dans la bonne gouvernance et le développement communautaire. Parmi les causes à l'origine de cette situation, il y a le fait que certaines associations ne se font pas connaître au niveau de la commune. Aussi, d'autres associations ne transmettent pas régulièrement leurs plans d'action et rapports à l'administration ou aux services techniques. Certaines de ces associations n'ont pas de cette visibilité sur terrain. Ces associations devraient se faire remarquer par leurs actions effectives dans la communauté. Les membres de ces associations signalent aussi un faible suivi et encadrement de ces associations par certains administratifs. Il faut remarquer qu'un suivi et accompagnement des activités de ces organisations devrait avoir lieu pour leur efficacité. L'acquisition des activités génératrices de revenus pourrait également remédier au faible accès au financement signalé dans certaines d'entre elles. Au mercredi, un comité provincial de concertation entre ces organisations et l'administration a été mis sur pied. Parmi les missions de ce comité, il y a l'organisation régulière des réunions entre représentants de ces associations et l'administration. Le gouverneur de la province de Moaro, Jean-Marie Nyakaregwa, dit que ce cadre travaille correctement, permettra le renforcement de la bonne gouvernance, car de telles associations ont un grand rôle dans le développement du pays. De Moaro, Laurent Dicru, Radio Isanganiro. Et de Moaro, c'est au centre du Burundi, rendons-nous en province Rumonge, c'est au sud du Burundi, pour parler éducation, où des enseignants de la commune Rumonge se lamentent que des inégalités se sont manifestées dans l'octroi des frais pour l'achat des documents pédagogiques à côté d'un retrait de 3000 francs burundais qu'ils qualifient d'injustifié. Rémi Ndekenguru, qui est directeur communal de l'éducation à Rumonge, et jeter le tour au chef d'établissement qui aurait fait une mauvaise distribution sans faire de commentaires sur le retrait des 3000 francs burundais. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues de la part de certains enseignants du poste fondamental en commune Rumonge disent que les frais pour l'achat des documents pédagogiques leur récemment distribués varient entre 5600 francs burundais et 2500 francs burundais. Il s'agit là des frais réduits de 3000 francs burundais par enseignant retenus à la direction communale de l'éducation, de la formation technique et professionnelle de Rumonge, que certains des directeurs d'école interrogés disent être obligés de signer ainsi au moment où d'autres directeurs préfèrent garder le silence quand il s'agit de s'exprimer sur la valeur réelle des frais signés. Pour certains enseignants interrogés, il serait mieux que le ministère de tutelle informe sur la valeur réelle des frais pour l'achat des documents pédagogiques et faire le suivi de la distribution de ces frais jusqu'aux bénéficiaires. À ce sujet, Rémi Ndekenguru, qui est directeur communal de l'éducation, de la formation technique et professionnelle de Rumonge, dit que si un enseignant n'a pas eu les 5 600 francs burundais, c'est la faute du directeur d'école qui a inclus sur la liste des bénéficiaires ceux qui ne le sont pas. S'agissant des 3 000 francs burundais retenus sur les frais de chaque enseignant, Rémi Ndekenguru qui s'est gardé de tout commentaire. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. À 13h04 dans le studio de la radio Sanganiro, poursuivant ce journal par la page sécurité. 4 morts, une femme et 3 enfants. Tel est le bilan provisoire d'une grenade lancée hier soir sur la colline Kavomo en commune Kirundo. Selon Jean-Claude Miboura, administrateur de la commune Kirundo, ces tueries seraient liées à la sorcellerie. Une correspondance signée Agnès Naumagadze. Selon l'administrateur de la commune Kirundo, Jean-Claude Miburo, une grenade a été lancée hier soir vers 19h dans la famille des revenants de Jean-Claude sur la colline Kavomo en commune et province Kirundo, où 3 personnes ont succombé sur place et le 4e enfant est mort ce matin à l'hôpital de Kirundo. Jusqu'au matin de ce jeudi, 3 enfants blessés de la même famille étaient encore à l'hôpital de Kirundo, comme l'indiquent les membres de la famille de ces victimes, aussi par l'admicom de la commune Kirundo. Les causes de cette tuerie seraient liées à la sorcellerie. Pour des raisons d'enquête, une personne a été appréhendée par la police. L'administrateur de la commune Kirundo informe qu'une réunion est prévue à Kavomo dans le but de tranquilliser la population environnante et surtout la famille éprouvée. L'administrateur demande à la population de Kirundo de ne plus se faire justice, mais d'aller en justice chaque fois qu'il y a une mésentente entre eux. De Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Page santé de cette édition, le ministère de la Santé publique dit ne pas être au courant d'effectifs élevés de drogue au Burundi. Le docteur Jean Bosco Girukwishaka, porte-parole de ce ministère, explique que la police chargée de lutte contre les drogues ne l'ont pas encore prouvé et les anciens usagers de ces drogues n'ont pas encore saisi ce ministère et trouvent qu'il n'y a pas encore eu la nécessité de mettre en place les médicaments contre la drogue et le centre de désintoxication suivi. Au niveau de notre structure sanitaire, nous prenons en charge tout patient qui s'adresse à ces dernières. Mais nous avons un système de rapportage. Je voudrais vous signaler que ces cas ne sont pas signalés au niveau de notre structure sanitaire. On ne sait pas si ceux qui les prennent ne se dirigent pas dans notre structure sanitaire. Peut-être l'autre. Mais si ces cas seraient déjà signalés au niveau de notre structure sanitaire, on aurait déjà pris des mesures irrelatives. Il déplore qu'il n'y a pas de centre de désintoxication ici au Burundi et qu'il n'y a même pas de médicaments pour aider les consommateurs de drogue. Ici, il y a lieu de différencier. D'abord, je vous disais qu'il y a des médicaments qui sont aussi des drogues, mais qui sont utilisés pour le traitement. Et pour ces produits, nous les connaissons, les médecins savent comment les utiliser. À ce qui concerne ces drogues ou produits et qui entrent d'une façon clandestine, on n'est pas informé. Sinon, il y a des produits qu'on pouvait utiliser dans ce genre de cas, c'est comme la méthadone. Et pour ceux qui prennent de la cocaïne ou de l'héroïne ou autre. Mais au niveau du ministère de la Santé publique, on n'est pas informé de ce genre de drogués. Pour l'héroïne ou la cocaïne ou autre chose. Donc, on ne peut pas commander ce produit alors qu'on n'a pas des cas. Mais concernant le centre de désintoxication, le ministère de la Santé, pour le moment, ne peut pas prévoir un tel centre alors qu'on ne sent pas la nécessité. On ne peut pas mettre un centre pour mettre un centre. Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau du ministère? Au niveau du ministère, nous, on est toujours réceptifs. C'est pourquoi on voudrait inviter ces organisations qui connaissent ces cas d'approcher le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Et à notre tour, on prendra des mesures appropriées pour faire face à cette situation, et pour prendre en charge ces individus s'ils existent, bien sûr. Le docteur Jean Bosco Girukwishaka, porte-parole du ministère burundais de la Santé publique et de lutte contre le sida au micro de l'Inibel Nibigira. Je vous l'avais annoncé en titre, les prix du ticket de transport ont été revus à la hausse jusqu'au double en province Bubanza, c'est à l'ouest du Burundi, ce qui cause souvent des malentendus entre chauffeurs et passagers. Les chauffeurs expliquent que c'est suite à la pénurie de carburant et demandent ainsi que les prix de transport reviennent à la normale, nous rapporte Spes Caritas Kabanyana. Sylvane Niyongere est une femme qui a pris le bus à Moussegni en commune Manda ce jeudi à destination de Randa. Le prix de ce trajet est d'habitude de 500 francs et cette passagère n'avait que son montant même, comme elle nous l'a signalé. Arrivée à Randa, une discussion a éclaté entre elle et le chauffeur qui lui demandait de payer 1000 francs. Les deux parties n'ont été séparées que par d'autres passagers qui ont expliqué au chauffeur qu'il devrait accepter les 500 francs puisqu'il n'avait pas signalé à cette femme qu'elle allait payer 1000 francs au départ. Des conflits pareils sont fréquents ces derniers jours entre les passagers et les transporteurs qui exigent d'énormes sommes d'argent. Les prix du ticket de transport ont grimpé ces derniers jours jusqu'au double. À titre illustratif, de Moussegni en commune Manda jusqu'à Bubanza, un passager doit actuellement payer 1500 francs ou 2000 francs alors que le prix fixé par les autorités est de 1000 francs. De Randa à Moussegni, c'est 1000 francs, alors que le prix habituel est 500 francs. De Randa à Bubanza, un passager paie actuellement 1000 francs, alors qu'il devait payer 500 ou 700 francs par bus, IAS ou taxi. Les transporteurs contactés expliquent que le prix du ticket de transport a été rehaussé suite au manque de carburant. Ils disent qu'ils passent beaucoup de temps sur la file d'attente, sur les stations, et beaucoup d'entre eux préfèrent se diriger vers le marché noir. Même les motards ont hausse le prix de transport. Ils disent qu'ils achètent un litre d'essence à 4000 francs le litre sur le marché noir. Les passagers demandent que les prix reviennent à la normale, puisque même si le carburant manque sur plusieurs stations, il n'a pas été rehaussé de prix. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Hadia Isanganiro. Et de la province Bubanza, l'ouest du Burundi, rendons-nous en République démocratique du Congo à côté de Bubanza pour parler politique. La campagne électorale pour les présidentielles prévue ce dimanche 23 décembre va se clôturer ce vendredi. Selon certains journalistes congolais, la population vit dans l'incertitude suite aux informations qui circulent faisant état d'un probable report de ces élections. Le journaliste du journal Politico.cd, Zane Metizai, espère que les inquiétudes sur ces élections seront levées par le point de presse de la CENI prévu cet après-midi. Suivez, il a été joint au téléphone par Placide Niomongere. Dans 4 jours, oui, il y aura l'élection. Mais entre temps, nous sommes dans la campagne électorale, c'est-à-dire il y a des candidats qui passent campagne en attendant bien sûr les élections. Donc demain, ce sera la fin pour la campagne, en attendant les élections le 23 décembre, c'est-à-dire dimanche prochain. Oui, quelle est la situation actuelle, Zeti? Ici à Goma, il n'y a rien à signaler, mais dans le derrière, par exemple, dans l'est de la République démocratique du Congo, comme à Beni, il y a une sécurité qui bat toujours record, et derrière beaucoup de personnes. Les analystes pensent que dans ces coins, il y aura vraiment une possibilité que les gens se rendent aux urnes pour voter leur candidat parce qu'il y a la sécurité qui va répondre. Et je crois qu'au fur et à mesure, on aura beaucoup de précisions. Parce que le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, va tenir un portrait. Je crois qu'il va préciser, il va donner beaucoup de précisions à la presse. Quoi. Vous indiquez quelque part que la Commission électorale va tenir un point de presse, on commence à soupçonner un report des élections. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, est-ce qu'on en parle? Bon, en fait, de la part du gouvernement, personne ne s'est déjà prononcé, mais même de la part de la CENI, personne ne s'est déjà prononcé. C'est pourquoi je dis que le peuple vit dans l'incertitude, on ne sait pas s'il y aura report des élections ou pas. Et selon les spécialistes, on constate que ce sera vraiment difficile que les élections se tiennent le 23 décembre. Je vous ai dit que jusque-là, dans certains points du pays, il n'y a jamais eu d'effectivité de déploiement des sites électoraux et il y a l'insécurité qui bat record dans certains points du pays. Ce sont là les défis vraiment majeurs à signaler si on peut parler de la tenue des élections prévues le 23 décembre. On apprend que la campagne a été suspendue à Kinshasa. Est-ce que dans d'autres localités, la campagne continue? Oui, la campagne continue. Par exemple, ici à Goma, on assiste à des points de presse de différents candidats à la députation provinciale et à la députation nationale. Mais aussi, dernièrement, on a eu à assister à des meetings de candidats à la présidentielle. Donc, la campagne continue. Un journaliste congolais basé à Goma, vous voudrez bien nous excuser de la qualité sonore de cet élément. Radio Isanganiro, chronique justice. L'assistance d'un avocat pour certains prévenus est obligatoire dans certains cas, tel est notamment pour une infraction qui prévoit une peine d'au moins 20 ans de servitude pénale. C'est du moins le contenu de certains instruments internationaux, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Burundi, mais également le contenu du code de procédure pénale burundais. Maître Gilbert Nininahazo explique que l'avocat est dans ce cas considéré comme un expert assistant le prévenu au cours de cette procédure. Les détails dans cette chronique judiciaire présentée par Alain Désiré Kenez. Le droit d'assistance d'un avocat est consigné dans certains instruments internationaux, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la Constitution de la République du Burundi, dans le code de procédure pénale, mais également dans le statut de la profession d'avocat. Dans certaines circonstances, l'assistance d'un avocat est obligatoire. Un mineur de moins de 18 ans ne peut être auditionné en l'absence d'un avocat, explique Maître Gilbert Nininahazoué. L'assistance d'un défenseur est obligatoire pour les prévenus mineurs. Sous peine de nullité, tout interrogatoire d'un mineur de moins de 18 ans doit se dérouler en présence d'un avocat ou de toute personne ayant des connaissances en matière de justice juvénile. Il en est de même pour tout prévenu ou inculpé poursuivi pour un crime grave, mais également lorsque le juge considère que l'assistance d'un avocat s'avère indispensable. Lorsque l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi est puni de la servitude pénale d'au moins 20 ans,